Alors, comme ça, vous écouteriez Radio-Radio? Mais c'est fou! Ah ouais, et là, alors là, c'est fou, là. Là, chers amis, c'est la technique qui parle, c'est le différé qui me coupe la chic sur le direct. Voilà, ça, c'est la vengeance du différé, parce qu'à chaque fois, on coupe le différé pour laisser place au direct. Ben là, c'est le différé qui a essayé de me prendre la place. Voilà, c'est-à-dire, c'est le Manu de la semaine dernière qui essaie de prendre la place du Manu de cette semaine. C'est n'importe quoi, il y a des courbes spatio-temporelles. Ça nous apprendra à avoir déliré la semaine dernière en écoutant des groupes science-fictionnels cadiquiens, en les personne de Chrome. Bref, mais je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis juste là pour vous dire qu'il est 21h01, pour vous prouver qu'on est en direct. Nous sommes le jeudi 10 juin 2021, que vous écoutez Radio-Radio, que c'est bientôt vraiment autre chose, mais que, s'il est 21h01, il est temps pour Noé et Anatole d'aller vous coucher, d'aller passer les draps, les pyjamas, et surtout, je vous souhaite une très bonne nuit sur la planète de la petite bête. Et pour les autres, c'est parti, générique! Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans un nouvel épisode de Vraiment Autre Chose. Nous commençons aujourd'hui le 11e épisode de Au pied de la lettre, une série spéciale de Vraiment d'autres choses consacrée à la liste North Sweet Wound, une liste qui se situe en surplus du premier disque de North Sweet Wound, Chance Meeting on a Dissecting Table of a Sewing Machine and an Umbrella de 1960. 19 qui permettait d'indiquer les groupes artistes qui inspiraient à l'époque. Il aurait fallu des mois pour compiler cette liste de Stephen Stapleton et John Fothergill avec leur deuxième album, To the Quiet Man from a Tiny Girl, sorti en 80. Des dizaines de noms supplémentaires ont été ajoutés, portant la liste de North Sweet Wound à 291 noms au final. La liste ne mentionne pas des raisons pour lesquelles le nom avait sa place dans cette liste. D'après des conversations ultérieures avec Stephen Stapleton et John Fothergill, il apparaît que certaines n'étaient répertoriées que pour un seul morceau, d'autres plutôt pour la pochette, mais beaucoup aussi pour une grande partie de leur discographie. Il est clair que le surréalisme et toutes les formes de musique d'art et d'art à conventionnel sont couverts. Alors, oui, attendez-vous à une grande variété de sons avec une histoire derrière eux dans cette liste. N'oubliez pas non plus que l'Internet n'était pas encore accessible à l'époque, ce qui aurait pris au moins 10 ans pour les particuliers. L'information n'était donc pas aussi accessible à l'époque qu'elle était aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard. Le résultat est qu'il y a au moins un groupe aux deux nombres différents. Avec Au pied de la lettre, nous essayerons de former une représentation de ce que se contient cette liste. Nous essayerons de donner un contexte pour chaque nom de la liste, complété par des enregistrements sonores. Ce qui est unique, c'est que nous avons tout choisi de prendre des morceaux dans leur intégralité et pas seulement des fragments. Pour ceux qui ont écouté un épisode précédent, sache qu'il y a des morceaux très courts à très longs, entre autres, que tous les morceaux ne sont pas aussi faciles à absorber. Attendez-vous à une musique qui soulève beaucoup de questions et vous fait réfléchir. J'ai entendu parler de North Sweet Wound pour la première fois lorsque j'étais encore aux 5e année d'humanité. Pour quelques cours, des classes de différents départements étaient combinées, comme le jour de français, où j'ai eu un grand dégoût pendant cette période, était l'un de eux. Un autre élève avait un devoir de mathématiques un peu mandala que j'aimais faire pour lui pendant le cours de français. Il était un peu surpris que l'affaire ait été résolue si rapidement. Quelques jours plus tard, il a reçu le résultat, le score maximum. Pour me remercier, il a réalisé un mixtape avec des musiques faciles comme The Specials, Madness, Talking Heads, mais aussi des morceaux de The Residents, Père Reboot, Toxic the Moon et North with Wound. J'étais emballé immédiatement. À cette époque, j'attendais toujours avec impatience qu'il avait un nouveau devoir comme résultat, une nouvelle cassette avec une musique remarquable. Une introduction fantastique qui s'est maintenant transformée en une belle passion. Et il a fallu plus de 6 ans supplémentaires avant que ma haine de la langue française ne prenne le dessus. Heureusement, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Pour en venir à la liste North Street Wood, nous allons continuer aujourd'hui là où nous sommes arrêtés dans l'épisode précédent, le dernier épisode avec la lettre C avant de passer à la lettre D. Vous vous dites, Mamma mia, j'ai raté tout ça. Ne vous inquiétez pas, dans quelques minutes, Manu vous dira où vous pourrez l'écouter à nouveau. Comme chaque semaine, nous sommes quelques-unes à nous être intéressés à un ou plusieurs noms figurant sur cette liste. Aujourd'hui, c'est à Toulouse avec Inès, qui est quand même une voix très pétillante et j'adore tout à fait. Bonsoir Inès. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a aussi à Cherbourg, nous avons Tony de la radio La Recherche. Bonsoir Tony. Bonsoir. Et à Toulouse, il y a encore toujours Manu, et c'est à lui qui l'homme de vraiment autre chose, le principe moteur du programme hebdomadaire. Bonjour Manu. Où est-ce que les auditeurs peuvent trouver le podcast de ces émissions? C'est très simple, on peut les trouver sur les podcasts de Radio Radio, sur le Mixcloud de Radio Radio ou sur le Mixcloud de Vraiment Autre Chose. Il suffit de taper Radio Radio Mixcloud ou Vraiment Autre Chose Mixcloud ou de vous rendre sur les sites de Radio Radio ou sur le blog de Vraiment Autre Chose, Vraiment Autre Chose haut et fort. Et là, vous pouvez réécouter les 10 épisodes précédents de nos Au pied de la lettre. Et si vous avez encore soif de belle musique, vous pouvez écouter nos 173 émissions précédentes. Ah, super, super. Et je pense à toi qui lance la balle d'aujourd'hui avec qui est quoi? Alors moi, je vais lancer la balle d'aujourd'hui avec ce qu'on entend en fond, là. Enfin, là, c'est coupé, mais on va le réentendre un petit peu, là. Entendez ces cloches, tout ça, cette petite musique sémillante qui introduit toutes nos émissions de Au pied de la lettre. On va parler de lui ce soir. Il s'appelle Jean Cohen Solal. Je vous laisse quelques petites mesures. Cette mélodie, vous l'entendez chaque semaine et vous l'entendrez en toute fin d'émission. On va faire une sorte de palimpseste, on va finir par ce par quoi on aura commencé. On terminera l'émission en toute fin d'émission avec ce titre, Captain Tarte aux Pommes, qui est aussi le nom du deuxième album de Jean Cohen Solal. Mais on va attaquer plutôt par le début. Je vois que Tony nous a rejoint, on te coupe le téléphone très cher. Donc on va commencer par le début. On va parler un petit peu de Jean Cohen Solal, mais j'ai pas grand chose. C'est pas facile de trouver des informations sur Jean Cohen Solal, ce qui est paradoxal, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Il est né le 27 mars 1946, en tout cas. Si vous êtes féru de date, vous pouvez retenir celle-là, la naissance de Jean Cohen Solal, le 27 mars 1946, à Alger. Alger qui était française, je crois, à l'époque. Jean Cohen Solal est francophone. Mais alors, ce qui est très, très, très sympathique avec Jean Cohen Solal, si j'ose dire, c'est que c'est vraiment un artiste plutôt méconnu. Elle a sorti 2 albums uniquement sous son propre nom. Et pourtant, des millions de Français connaissent la voix de Jean Cohen Solal. C'est ça qui est assez paradoxal. Et pourquoi des millions de Français connaissent-ils la voix de Jean Cohen Solal? Car Jean Cohen Solal prête sa voix au Shadok. Voilà, c'est Claude Pieplu, bien sûr, qui était narrateur de cette série télé, qui était un espèce de monument de surréalisme. On parle d'une époque où la télévision française était libre et où les directions artistiques étaient laissées à des gens plutôt haut perchés. Non, c'était pas Pierre Schaeffer qui était directeur artistique de la télévision à l'époque, c'est vous dire. On peut se souvenir aussi des élucubrations de Jean-Christophe Averty. Hein. C'est vraiment ces années-là, l'année où la télévision est un média aventureux et qui est donc pris, enfin pas que aventureux, mais aussi aventureux, en tout cas pris en possession par des gens assez aventureux. Et cette série des Shadocks, qui est toujours assez d'actualité, il y a certains épisodes qui résonnent méchamment dans l'actualité, d'ailleurs j'en ai regardé regardé quelques-uns. Et il y en a un sur la crise économique expliquée par les Shadocks. C'est assez fou. Si vous ne connaissez pas les Shadocks, hein, bah, tapez ça sur un YouTube et vous allez retomber sur ces épisodes avec ces dessins assez bizarres. Cette musique assez bizarre qui n'est pas signée Jean Cohen Solal, mais qui est signée Robert Cohen Solal, à savoir son grand frère. C'est lui qui signe la musique. C'est un compositeur contemporain, même si, bon, là, pour le coup, il fait quelque chose de plus accessible, je dirais. Et Jean Cohen Solal fait la voix des Shadocks, là, les petits bruits, les petits frémissements. Allez, pour les nostalgiques ou ceux qui aiment la télé des années 60, on se met une petite quinzaine de secondes des Shadocks, juste pour entendre un peu la musique de Robert Cohen Solal et surtout la voix de Jean Cohen Solal. Et après, je vous parle plus précisément du musicien. Française. Et voilà, je coupe la chic de suite à Jean Cohen Solal. Donc c'est lui qui fait. Donc il est connu par 1 million de Français. Pourtant, en tant que musicien, il reste relativement obscur. Encore un des musiciens qui doit le fait d'être passé à la postérité, d'apparaître dans cette Nurse with One List. Jean Cohen Solal. Alors, à ne pas confondre, parce que le monsieur est flûtiste et saxophoniste, du coup, on pourrait avoir une confusion, et certains sites internet, d'ailleurs, entretiennent cette confusion avec Jean Cohen. Jean Cohen, qui fait partie du Cohen Mec Ensemble, dont j'ai parlé il y a 2 émissions de ça, dans l'émission, je crois, numéro 8, si je dis pas de bêtises, numéro 9, pour être précis. C'est le même nom, c'est un homonyme, les mêmes instruments, donc c'est quand même assez troublant, et pas mal de sites se laissent avoir, mais non, j'ai vérifié, Jean Cohen Solal n'est pas Jean Cohen. Voilà, bon, petite introduction pour les amateurs d'homonymie. En attendant, Jean Cohen Solal est surtout flûtiste et c'est à la flûte qu'il va consacrer sa carrière musicale, en tout cas sa carrière musicale solo. Dans ses albums, c'est principalement cet instrument qu'il va tenir, même s'il souffle un petit peu dans le sax de temps à autre. Mais c'est surtout le travail de la flûte et je pense que c'est ça qui a tapé dans l'oreille de Stephen Stapleton et qui lui doit l'apparition dans cette Nurse with One List. Son premier album s'appelle Flûte libre, voilà. Il sort en 1971, alors il essaie de pousser un petit peu la flûte dans ses retranchements, non pas en y collant des effets ou des pédales ou des choses comme ça, mais plutôt en jouant vachement sur les re-reux. Donc il va jouer 5-6 fois de la flûte sur le même morceau, il va s'auto-doubler. Et quant à la musique qu'il raconte, dans cet album Flûte libre, il y a un titre extrêmement long d'une vingtaine de minutes que je vous passerai pas ce soir, mais que par contre je veux carrément vous recommander et qui est plus dans le genre bruitiste expérimental contemporain. Sans doute que Stephen Stapleton ça lui a plu tout ça, mais le reste n'est vraiment pas désagréable à écouter. On entend les influences de ce monsieur dont la flûte se veut et se fait voyageuse, justement de ses origines maghrébines, mais aussi ça va partir un petit peu vers l'Inde notamment, un petit peu vers des musiques traditionnelles, musique du monde on pourrait dire, même si je sais pas si ce terme était vraiment hésité à l'époque, mais c'est comme ça qu'on pourrait qualifier un peu l'œuvre de Jean Cohen Solal. On va s'écouter 2 titres, coup sur coup, tirés de l'album donc Flûte libre, sorti en 1971. On va s'écouter Raga du matin, pour le côté un petit peu voyageur, et Matière, pour le côté un petit peu allez, bidouilleur et un poil expérimental. Et puis je vous reparle de Jean Cohen tout à l'heure. Allez, c'est parti. Avec Jean Cohen Solal, donc Flûte libre, Raga du matin, suivi de Matière. Thank you. C'était Matière, donc dans l'album Flûte libre de Jean Cohen Solal. Bon, cet album-là, c'est sûr que c'est plus pour son contenu musical qu'il aura tapé dans l'oreille de Stephen Stapleton, plus qu'il aura tapé dans son œil, parce que là, pour le coup, la flûte, la pochette, elle est plutôt basique. Elle ne présente pas un grand intérêt, quoi. C'est vraiment regarder cet instrument, c'est de la flûte, quoi. C'est plutôt présenté comme ça, avec un dessin du monsieur. C'est les premières explorations de Jean Cohen Solal. On le retrouve plus tard en 1973 avec l'album Captain Tartopom, qui sera son dernier album. Donc il y a ce morceau un peu guilleret et sautillant qu'on entend en début d'émission régulièrement dans ses Au pied de la lettre, mais qui n'est pas vraiment la couleur générale de cet album, qui a du mal à choisir une couleur, à vrai dire. Il y a un poil d'expérimental, mais pas trop. Ça voyage, il y a de la citation de Bach par moment. Beaucoup moins intéressant, à vrai dire, que le premier. Mais il y a quand même quelques petites saillies qui méritent qu'on s'y arrête, telles que cette intime panique qu'on va écouter maintenant, donc tirée de cet album Captain Tartopom. Intime Panique, tiré de Captain Tartopom, le deuxième album de Jean Cohen Solal, de la musique traversante pour flûtiste traversière, enfin pour flûte traversière, et autres instruments. Il y a toujours quelques invités avec lui. Là, la pochette, elle est quand même un petit peu mieux, elle vaut un petit peu plus le coup d'oreille, et le coup d'œil, pardon. Et quant au coup d'oreille, ben, je sais pas, moi cet album m'a laissé une impression mitigée. Autant le premier partait joyeusement par moments dans des trips un peu psychédéliques et expérimentaux, notamment la longue pièce qui clôt l'album et qui en est un peu la pièce maîtresse. Vous me direz, j'aurais pu la passer, c'est vrai, j'aurais pu la passer, mais j'avais vraiment à cœur d'aller un peu de creuser la discographie du monsieur et puis de vous expliquer pourquoi tout le monde connaissait un peu sa voix. Donc on va continuer cette exploration, et la clore d'ailleurs, cette exploration de Captain Tartopom, le deuxième album de Jean Cohen Solal, avec un dernier titre qui s'intitule Le Ludion. Ah, j'aurais difficilement pu vous épargner ce titre, ne serait-ce que pour la beauté de ce magnifique fade-out final. C'était Jean Cohen Solal, donc on a parlé des albums Flûte Libre et Captain Tarte aux Pommes. Voilà pour Jean Cohen Solal, la lettre C de Nurse With Wound List. On passe à Tony. Est-ce que tu es là, Tony? Oui, je suis là. Vous m'entendez bien? Oui. On t'entend. Oui, on m'entend bien, ça va? Ça va, ça va. Bon, très bien. Je vais vous présenter les Collegium Musicum. Vous connaissez ? Pas du tout. Du tout. Alors, les Collegium Musicum, en fait, les Collegium Musicum, c'est un peu vieux. Ce sont des libres associations d'amateurs et éventuellement de professionnels pratiquant la musique. Donc, on remonte au XVIe siècle, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, surtout en Allemagne, en fait, et dans les régions soumises à son influence, comme la Suisse, la Suède, la Bohème et les Pays-Bas. Et au départ, ce sont des maîtres chanteurs, et après, les instruments s'en sont mêlés. Au départ, ce sont des cercles d'amateurs, mais qui se sont organisés et qui, après, ont fait appel à des professionnels. Donc, au départ, ça s'appelait les cantoreilles. Et en 1616, à Prague, on a appelé ça le Collegium Musicum. Donc, ce sont des gens qui se réunissaient toutes les semaines pour faire de la musique, sans public de préférence. Et petit à petit, parce qu'au départ, ce sont des amateurs, et petit à petit, ils ont fait appel à des professionnels. Donc, un certain Jean-Sébastien en a fait partie. Et on en retrouve, en fait, on en retrouve partout maintenant, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, et aussi, il y en a un à Paris, hein, et aussi à Strasbourg, à Mulhouse, je crois. Et en fait, ces Collegium Musicum, c'est un peu l'ancêtre des écoles de musique municipale. Alors, il y a tout un débat là-dessus sur Wikipédia, entre voilà, les réunions privées de bourgeois qui aimaient la musique et aussi des réunions plutôt populaires des approches de la musique. Alors, j'aime bien parler de ça et de l'introduire, ce groupe, hein, parce qu'on va parler d'un groupe, on ne va pas écouter la musique du 16e, du 17e siècle, mais pourquoi pas. Je me pose une question, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on dit Bach ou Bar? Waouh! Oh là là, quel débat! C'est une grande question. Oh, ouais, tu nous poses une colle. On s'est moqué de moi l'autre jour, et j'ai l'impression que les gens qui s'y connaissent à fond en musique classique disent Bar, et les gens comme moi qui s'y connaissent moins bien disent Bach. Donc voilà, c'était une question que je voulais vous poser. Je crois qu'on dit Jean-Sébastien Bach et Juan Sébastien Bach. Ouais, ok. Merci Manu, je répondrai ça la prochaine fois. Alors pour ce qui nous importe ce soir dans cette fameuse Nurse With Wound List, nous allons en Slovaquie en 1971 et on va rencontrer un claviériste qui s'appelle Marian Varga. Alors lui, il a commencé le piano à 6 ans au conservatoire de Bratislava. Il a commencé dans un groupe qui s'appelait Prudy. Et a priori, alors je connais pas du tout cet album, il a contribué à un album légendaire, je crois qu'il y en a qu'un, qui s'appelle Svante Zvonky, mais il s'est barré très vite. Alors tout comme il s'est barré du conservatoire très très vite, il a fait 3 ans de conservatoire et puis il a ripé ses galoches. Le groupe, il a fait pareil et il a créé son premier groupe, et alors qui est historiquement le premier groupe de hard rock en Tchécoslovaquie, puisqu'à l'époque nous étions encore en Tchécoslovaquie, qui s'appelle le Collegium Musicum. Donc qui reprend vraiment cette assemblée de musiciens historiques dans la musique classique et qui reprend aussi du Jean-Sébastien Bach, entre autres. Hein, ils font des très belles reprises de Bach revisitées, plus ou moins. Ils font beaucoup de pièces instrumentales, il y a très peu de voix. Et ils réinterprètent du Haydn, du Bartok, du Stravinsky, et aussi, bien sûr, comme je viens de le dire, du Jean-Sébastien Bach. Ils se séparent en 1979, ils ont fait 6 albums en studio. Bon, il y a des compiles, je crois, il y a des lives. Et lui, il a continué une carrière solo, il a eu plein de prix en Slovaquie, et il est considéré comme l'un des pionniers de la musique improvisée en Slovaquie. Voilà, donc je vous invite à découvrir Euphonia. Moi, j'ai bien flashé dessus quand même parce que voilà, c'est très riche. Il y a plein d'instrus. C'est, on va le dire encore une fois, c'est très zapaïen, mais bon, je suis pas très objectif puisque ça fait partie de ma vie. Euphonia fait partie du deuxième, deuxième vinyle de l'album Convergency, pardon, qui date de 1971, qui est énorme, qui est plein de variations, qui est très riche musicalement. Voilà, que dire, 1971, je pense que ce disque-là coûte cher, comme tous les collecteurs de vinyle qui existent. Voici donc Collegium Musicum. Thank you. On vient d'écouter Collegium Musicum à l'instant, vraiment autre chose. Vous êtes sur Radio Radio 106.8, vraiment autre chose. C'est la petite émission musicale d'obédience progressive. Et depuis quelques temps, nous nous lançons dans des hors-séries consacrées à la Nurse With One List. Et c'est la 11e édition de ces hors-séries intitulée Au pied de la lettre. Ce qu'on vient d'entendre à l'instant, c'est Collegium Musicum, extrait de l'album Convergencié. C'est Tony qui nous a présenté ça et le titre s'appelle Euphonia en 5 parties, 1, 2, 3, 4, 5, qu'on vient d'écouter d'affilée. Joli, joli voyage. T'es encore là, Tony ? Oui, je suis encore là. Eh bien, merci pour le choix. Parce que franchement, j'avais jeté une oreille, moi, à ce Convergency, et je m'étais arrêté au début de l'album, en fait. C'est un double LP. Je crois que j'ai dû écouter ce qui représente le premier LP. Et là, on est sur des réinterprétations de Bach qui ne sont pas non plus hyper, hyper intéressantes. Enfin, moi, je suis assez sceptique dès qu'on réinterprète du classique à la sauce rock. Ouais. Mais là, cette suite-là, Euphonia, j'étais pas allé jusque-là, j'aurais dû, parce que ben, c'est un chouette voyage. Ouais. C'est zapaïen par moments, c'est expérimental par d'autres, c'est de la musique baroque par d'autres. Enfin, ça il y a un joli petit fil, c'est pas non plus de la, ça ne zappe pas d'un plan à l'autre, il y a une évolution qui est bien faite. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter ça. Tout à fait, sans connaître plus que ça Nurse With One, parce que c'est quand même Nurse With One, c'est quand même un groupe qui est assez dense à écouter. Hein. C'est pas pour toutes les oreilles, on peut dire c'est très dense, c'est très compliqué. Là, on est plus proche de Stravinsky, donc effectivement plus proche de Zappa. Voilà, c'est très riche, c'est très surprenant. D'où le choix de Euphonia, qui durait 20 minutes environ. Mmh, quelle belle découverte. Eh ben, merci beaucoup. Inès. Avec grand plaisir. Et puis on te souhaite une bonne fin de soirée parce que tu dois nous quitter, Tony. Oui, je dois dépanner une batterie de voiture. Waouh, mais quelle action ce soir. Oh ouais, tout à fait. Wow. Et ben on se retrouve pas la semaine prochaine ni la semaine d'après parce que ce sera consacré à des émissions. Il y aura du live sur Radio Radio. Hein. La semaine prochaine, on sera en direct du Taquin avec le duo Psalram, composé de Jean-Luc Guillonnet et Timothée Coste, trompette et saxophone. Et la semaine suivante, ben, on reste sur le même instrumentarium. Là, on sera en direct des studios de Radio Radio avec De La Box, un projet, comme son nom l'indique, autour de La Box avec le trompettiste Sébastien Sirotto et le saxophoniste Florian Nastorg. Et puis juste après, on est très contents, c'est le retour de Mr. Bishop qui nous avait fait un mini-concert déjà sous ses ondes. Et là, il revient pour nous présenter son dernier album qui paraîtra le lendemain, album qui s'appelle La Ligue des Objets. Voilà, ça c'est pour les programmes à suivre dans Radio Radio. À bientôt, amigo. On se retrouve quand alors? Dans 3 semaines, c'est et ça? Eh bah ben ouais, on se retrouve dans 3 semaines où on peut se faire une petite émission en différé si on veut pour le passage de la lettre C à la lettre D. Voilà, ouais, qui sera assuré avec les mêmes musiciens. C'est comme la lettre C mais avec une barre verticale à la droite. Ouais, c'est et ça. La musique va être aussi comme ça. Ouais, super. Et eh bien, je vous salue. Eh bien, on te salue. Et puis moi, j'en profite pour saluer l'absent de la lettre C, à savoir Stéphane, qui n'a pas pu venir sur une seule des émissions de la lettre C. Et c'est bien dommage, quand on sait qu'on lui doit ce magnifique jeu de mots, parce que quand on en avait parlé, il dit « Ah, ben, c'est dommage, parce que moi, je m'occupe de lettres, du A, du B, mais j'ai rarement C. » Et voilà. Donc, je place cette petite blague de Stéphane au passage. Bravo. Voilà, pour lui rendre hommage. Et puis, à bientôt. Et Nico, t'as pas donné ton avis, toi, sur ce Collegium Musicum. Qui ne dit mot ne consent pas, ou... Si, c'est super, je trouve. Ah, ça fait ça, plaisir. Ça, c'est de musique fantastique pour écouter. J'y connaissais un peu, et ça reste incroyable bon, je trouve. Oui. Bel choix. Eh ben, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est à toi qu'on laisse la parole. Beau choix. Alors Nico, il est 22h, oh, allez, il est temps quand il est 22h, je suis censé annoncer l'heure. Alors il est 22h sur Radio Radio, vous nous écoutez sur 106.8 ou sur www.radioradio-toulouse.net, à moins que vous ne nous écoutiez sur les différents Mixcloud que j'ai évoqués en début d'émission. Si vous avez raté cette évocation, du coup vous ne savez pas où sont ces adresses Mixcloud, eh bien écoutez le début de l'émission, mais vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas les adresses Mixcloud. Ah, mais quelle blague. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir à la... la radio, incroyable. On est pris par des failles spatio-temporelles. Ça, c'est depuis que Chrome, voilà, depuis qu'on a évoqué Chrome et leur Alien Soundtrack, on est un peu rattrapé par le temps, on se fait couper par, le, par ce qui s'est passé la semaine d'avant. Peut-être qu'il va y avoir des petits extraits du concert de la semaine prochaine qui vont s'incruster dans les musiques. Allez savoir. En attendant, gros morceau, puisque notre ami Nico Bogert de Radio Panique à Bruxelles va nous parler de John Cage. Oui, mais j'ai encore une petite question avant de commencer avec John Cage. Comme tu viens justement d'annoncer, il y a Jean-Luc Gionnet qui va être un des invités des émissions suivantes. Est-ce qu'il va amener son orgue de l'église pour jouer? Non, là, pour le coup, ce sera au saxophone qu'on entendra Jean-Luc Guillonnet, parce qu'il pratique aussi avec brio cet instrument, mais non, pas d'orgue d'église au taquin où on aura le plaisir de faire ce concert. C'est un peu petit, hein, on va pas se mentir, pour un orgue. Puis tant qu'à y annoncer des concerts, ça fait tellement longtemps qu'on peut pas annoncer des concerts. Je me souviens que pendant, dès le début du premier confinement, on avait une rubrique qui s'appelait « Le concert annulé de la semaine ». Bah là, non, c'est des concerts qui vont vraiment avoir lieu. Donc ce duo-là, vous pourrez l'entendre sur les ondes de Radio Radio, Jean-Luc Guillonnet accompagné de Timothée Cosse. Mais vous pouvez les voir aussi dans un concert en appartement le lendemain, en duo toujours, et précédé pour la première partie par le solo de guitare de Jean-François Riffaud. Ça s'annonce vraiment savoureux. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous un mail ou un message privé ou tout ce que vous voulez, et puis on vous filera plus d'informations sur le mystérieux domicile où aura lieu ce concert. Et en parlant de mystérieux domicile, ben, parce que ça ce sera le 18 juin, pardon, hein, donc ne manquez pas l'appel. Oh non, tu l'as faite. Voilà, désolé. Hein. Mais il y a un autre appel qu'il ne faudra pas manquer. Ce sera le 15 juin, le mardi 15 juin, où dans un autre appartement, toujours tout aussi mystérieux, vous aurez le plaisir, on parle toujours pour les amis toulousains, d'entendre l'orchestre en carton qui viendra présenter son album. Et on en est très contents. Voilà, ça se passe dans un appart à Toulouse. Donc toujours tout ça. Si vous voulez des infos, si vous êtes intéressé par ces concerts, n'hésitez pas à nous écrire sur le blog de Vraiment Autre Chose ou par le biais des réseaux que l'on dit sociaux. Nico, maintenant, je te laisse complètement la parole. Entre-temps, c'est 10h03 sur les ondes de Radio Radio et à Bruxelles, c'est la même heure. Et aujourd'hui, mon attention se porte sur John Cage, un compositeur américain d'avant-garde qui peut être considéré comme l'un des plus grands innovateurs de la musique classique du XXe siècle. Un homme très accessible et éternel souriant qui adorait jouer aux échecs. Dans les premières années, il a épousé Xenia Cage et après un ménage à trois, Mercy Cunningham est devenu son partenaire de vie. Parmi les professeurs figurant Henry Cowell et Arnold Schoenberg, tous deux connus pour leur innovation musicale radicale, mais les principales influences de Cage résident dans diverses cultures d'Asie, de l'Est et du Sud. En étudiant la philosophie indienne et le bouddhisme zen, à la fin des années 40, Cage a découvert l'idée de la musique aléatoire au contrôle par le hasard qu'il a commencé à composer en 51, le I Ching, un texte classique chinois ancien, outil de prise de décision qui utilise des opérations aléatoires pour suggérer des réponses aux questions que l'on peut se poser, est devenu l'outil de composition standard de Cage pour le reste de sa vie. Dans une conférence de 1955, Experimental Music, il décrit la musique comme un jeu sans but qui est une affirmation de la vie, pas une tentative de faire sortir l'ordre du chaos ni de suggérer des améliorations de la création, mais simplement une façon de s'éveiller de la vie même que nous sommes en train de vivre. Sa réflexion hors de normes sur ce qui est la musique, il a même réussi de secouer le monde de la musique. Cage a été un pionnier de la piano préparé, un piano dont le son est modifié par des objets placés entre ou sur cordes ou ses marteaux, pour lequel il a écrit de nombreuses œuvres liées à la danse et quelques pièces de concert. Cage est peut-être plus connu pour sa composition 4 minutes 33 de 1952, qui est exécutée en absence de son délibéré. Les musiciens qui présentaient l'œuvre ne font rien à paraître présents pendant la durée spécifiée par le titre. Le contenu de la composition n'est pas 4 minutes et 33 secondes de silence, comme on le suppose souvent, mais plutôt les sons de l'environnement entendus par le public pendant la performance. Le défi lancé par l'œuvre aux définitions supposées sur la musicalité et l'expérience musicale en a fait un sujet populaire et controversé à la fois en musicologie et dans l'esthétique plus large de l'art et de la performance. En 1948, John Cage a commencé à envisager de créer une musique sur un disque pour une entreprise en réaction à la musique populaire de l'époque. Son idée de base était de créer un morceau de musique qui pourrait être placé dans un jukebox, comme cela se fait à l'époque. Un jukebox, c'est un peu un podcast ou un iPad où qu'on peut mettre des milliers de morceaux de musique, mais ici, c'est un jukebox, c'est justement d'une trentaine, une centaine d'objets physiques. Et là, il faut pousser sur le bouton 1-6, par exemple, et un disque qui se lance. Et donc ça, c'est un peu le jukebox pour choisir son propre morceau. C'est vrai que les plus jeunes ne connaissent peut-être pas, mais c'est un super bel objet que le jukebox. Ouais. Bah, si je ne m'abuse, c'est des disques vinyles qui sont à l'intérieur. On appuie et puis là, on attend une bonne trentaine de secondes que la machine sélectionne le bon disque vinyle et le joue. En général, plutôt des 45 tours. On voilà. Appelle ça maintenant la musique aléatoire sur les ordinateurs. Je vous donne l'info, hein, à vous deux, au cas où. Ouais. Voilà, ouais, tout à fait. Et donc ici, il s'agit encore, parce qu'on parle de 48, donc il s'agit de disques en bakelite, donc pas encore en vinyle, mais encore en bakelite. Et il en existait deux versions, une courte version d'environ 3 minutes et une longue version avec un enregistrement allant jusqu'à 4 minutes 33 secondes. Donc voilà, ça vous signifie déjà le titre du morceau de John Cage. Une fois qu'il a eu son idée de basse, il a commencé de composer, ce qui a donné lieu à trois mouvements de 33 secondes, 2 minutes 40 et de 1 minute 20. 4 minutes 33 était la réponse musicale à Robert Rauschenberg, qui vient de réaliser une groupe de peinture blanche en 51, en 6 variations, 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Toile blanche peinte en blanc. La première du trois mouvements de 4 minutes 33 a été donnée par David Tudor le 29 août en 52 au Maverick Concert Hall à Woodstock, dans l'État de New York. Dans le cadre d'un récital de musique contemporaine pour piano, le public l'a vu s'asseoir au piano et, pour marquer le début de la pièce, fermer la couverture du clavier quelques temps plus tard. La première fois, 33 secondes plus tard, il a ouvert brièvement pour le marquer la fin du premier mouvement. Le processus a été répété pour le deuxième et le troisième mouvement. Il a été très difficile de trouver un enregistrement qui représente exactement cette expérience. La plupart des enregistrements sont des enregistrements de studio dans un silence absolu, mais j'ai finalement trouvé un enregistrement de concert en direct où les sons du public et des interprètes étaient clairement enregistrés lorsque nous écoutons ce morceau. Contrairement à tous les autres morceaux que nous écoutons, nous allons laisser nos micros ouverts pour que vous puissiez également vivre nos expériences. And now, a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marx. Thank you. Bravo. Encore. Une autre. Voilà, c'était John Cage, 4 minutes 33, interprété par William Marx. Durant le... C'était dans le McMullen Theater à Palm Desert en Californie. Je n'ai pas de l'année, mais quand même, je pense que ça pourrait être une super chouette expérience si tu es dans une salle de plusieurs centaines de personnes. C'est assez marrant d'entendre, de constater, puisque comme tu le disais, la pièce c'est du silence, mais dans l'enregistrement, il y a le son du public, c'est voulu, le public est sonorisé. Donc il y a une espèce de petit silence respectueux qui dure, et à partir du moment où il y a quelqu'un qui tousse, là c'est parti, on a l'impression que c'est le signal sono, comme quoi on peut se mettre à tousser, ouais. À faire des petits bruits, à participer, à remplir ce gênant silence. Il y a un enregistrement sur YouTube, alors c'est pas John Cage, ça a été repris, ça a été rejoué cette pièce, dans un grand théâtre très luxueux, je ne saurais pas dire d'où il vient, où en fait il y a des caméras aussi. Et on voit les réactions du public, de le début on est très concentré, on essaye de comprendre ce qui se passe, ah ok on comprend qu'il y aura du silence, ah d'accord qu'est-ce qu'on fait, et c'est vraiment intéressant à voir, donc je vous invite à aller chercher ça sur internet, c'est très cool à regarder aussi. Oui, parce que c'est aussi un des expériences que c'est le public pourrait se concentrer durant 4 minutes et demie, maximum 5 minutes. Après, c'est beaucoup plus compliqué. Vraiment, dans les grandes salles de 500 000 personnes, c'est presque pas possible de rester plus long concentré sans écouter de la musique. Il me tarde de voir ça dans une énorme salle avec 3 000 personnes. Ouais. Pour voir ce que ça donne. Ouais. Et ça dépend aussi un peu du lieu, tu vois. J'ai aussi vu des autres enregistrements où que c'est plutôt mal fait parce que tu vois qu'ils considèrent que c'est justement lancer le fermer le piano et d'attendre 4 minutes ou 33 secondes et réouvrir et c'est tout. Mais ici, on a vraiment l'impression que William Marx, il a vraiment l'intention de le jouer et il rentre vraiment dans l'univers de John Cage. Et ça, je pense, c'est super important. Parce que j'ai aussi vu je me souviens encore comme étudiant, il y a aussi un groupe durant une fête des étudiants de rock. Et aussi, eux faisaient un cover de 4 minutes 33 et ils étaient là avec les instruments, ils fumaient une cigarette et des trucs comme ça. C'est marrant, mais ce n'était pas la même expérience dans une salle de concert assez classique, sérieux. Ouais, puisque ce dont tu n'as pas parlé, à moins que je ne m'abuse, n'hésite pas à me contredire si jamais je dis une bêtise, mais c'est qu'il... Il y a aussi des partitions. Le pianiste a une partition devant lui et tourne les feuilles. C'est des partitions de silence, mais le silence, ça s'indique en musique. Donc, il y a aussi le public voit le musicien tourner la partition afin d'être totalement dans le temps indiqué. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. Et si que ça vous intéresse vraiment, il y a aussi un super chouette livre qui a été écrit par Callan Gann. C'est G-A-N-N. Et ça s'appelle No Silence 4 minutes 33 et c'est autour de cette composition de 4 minutes 33 de John Cage. Je le recommande vraiment de lire une fois ce livre-là. C'est un livre d'une centaine de pages, mais ça vous donnerait vraiment une bonne idée de la philosophie et de derrière ce morceau-là. Tout à fait. Et c'est un peu la philosophie générale de John Cage qui, outre avoir... quasiment inventé le piano préparé à une approche de la musique où la musique s'inscrit dans un tout, d'où le fait de prendre le son du public. Là, je voulais parler maintenant de Variation 4, qui est une pièce interprétée par John Cage et David Tudor. David Tudor, qui est un pianiste contemporain extrêmement célèbre. Même Ligeti a écrit, je crois, 2-3 pièces expressément pour lui, qui s'appelle Fort David Tudor. Et John Cage et David Tudor, là, n'ont pas de piano. Ils sont dans une galerie d'art contemporain à Los Angeles en 65. Et ils sont dans deux pièces différentes, avec des tourne-disques et des radios. Et il y a des micros partout qui captent bien sûr ce que font John Cage et David Tudor, mais aussi captent le bruit de la rue à l'extérieur de la galerie, et aussi les rires et les conversations dans la salle du bar. Et tout ça fait partie de la musique, tout ça est la musique. La musique n'est pas uniquement ce que font les deux musiciens dans leur salle. La musique, c'est les musiciens, c'est les bruits de la rue, c'est les rires au bar. Tout ça fait tout ça est musique, quoi, ce qui est un joli pied de nez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, chers camarades, d'assister à des concerts où les musiciens sont gênés parce qu'il y a des gens qui parlent au fond. Bah, pour John Cage, les gens qui parlent au fond sont musique, font partie de la musique. Et c'est en ça que, notamment, que son œuvre a fait date et est très intéressante. Et Variation 4, bah, ça se passe comme ça. Donc, c'est en 1965. On va s'écouter un petit extrait de ça. Alors, la performance, elle a duré 6 heures. Pour sortir un disque en 1966, c'est-à-dire l'an d'après, on y retrouve donc l'introduction où un narrateur explique les conditions dans lesquelles cette pièce Variation 4 va avoir lieu. Variation 4 parce qu'il y a toute une série de variations, en fait, c'est toute une série de pièces qu'a écrit John Cage. Variation 5, si je ne m'abuse, est faite pour être jouée pendant que des gens dansent. C'est une musique de ballet, mais toujours aussi... toujours avec cette conception si particulière de la musique. On va s'écouter l'extrait de 7h du soir à 8h du soir. C'est comme ça, voilà. On retrouve dans ce disque, parce que bon, la performance faisait 6 heures, des extraits de chaque heure. Donc on va entendre... On va entendre principalement quand même les manipulations de tourne-disques et de radio et de lecteurs de cassettes des deux musiciens. Mais aussi, si on tend l'oreille, on peut entendre vaguement le bruit du public. Enfin, du public, non, c'est même pas un public, hein, ils sont tout seuls. Donc le bruit de la rue et, comme je le disais, le bruit du bar à côté. Parce qu'il n'y a pas de public pour cette performance, ou alors tout est public, comme tout est musique. Allez, donc on s'écoute extrait donc de From 7 p.m. to 8 p.m. Donc c'est John Cage et David Tudor. La pièce s'appelle Variation 4. And then one evening my husband came home and told me that he had been to see a prostitute. He'd had a few to drink, no, he'd been out with a friend, and I think they'd been to a strip club, and one thing had led to another, and the friend suggested they went along to this lady, which they both did, and that is how I think it occurred. I tried very hard to forget this, but unfortunately I couldn't, and after about 6 months of attempting to, I'm afraid we both started to not particularly care about the marriage anymore. And this went on for, say, another 6 months, and then I decided to take divorce proceedings. I'm the guy. quick. Start unity again. Low, six, moving. Moving, stop this baby. There sounded the voice of Chopin again in a second prelude or etude. It was played through gently and came to an end. She had not at all. Then one step back or sideways, and the music began again as she went moving on before or after it. Only just moving, not pirouetting, or doing any of those things which Fanny would have certainly done and done very beautifully. She was speaking in her own language. Pas précisé, mais ceux qui ont la chance d'écouter d'écouter Radio avec une bonne chaîne, un bon hi-fi stéréo, il y a vraiment deux pistes mono de part et d'autre. L'une c'est David Tudor, l'autre c'est John Cage, et le résultat, bah, tout cet album est comme ça, on dirait une espèce de collage, quoi. Plutôt réussi, parce que les gars sont doués et qui ne manquent vraiment pas d'intérêt. Nico, tu es toujours là ? Nico, es-tu là ? Oui, je suis toujours là. Ah, j'ai peur que t'avais perdu. Ta voix nous manquait. Oui, moi aussi. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur John Cage ? Oui, tout à fait. Déjà, comme le morceau précédent, il est aussi un très bon ami avec David Tudor. Donc, il vient justement composer ce morceau, mais aussi le morceau précédent, le 4033, était spécialement aussi joué par David Tudor, la toute première fois. Donc, c'était des très bons copains. Et de John Cage, on peut dire beaucoup, parce que finalement, il est devenu 80 ans. Donc, t'imagines, j'ai encore de très bonnes mémoires à ça, parce que le morceau suivant qu'on va écouter dans quelques instants, c'est le morceau HPSCHD, qui était créé en 67, donc quelques années après les variations 4. Et comme Cage lui-même disait, c'est Harpy Short, qui est le clavecin en français, je pense. C'est une composition pour clavecin et son généré par ordinateur des compositeurs John Cage et Lejaren Hiller. Elle a été écrite entre 67 et 69 dans le cadre des manifestations commémorant le 100e anniversaire de l'Université d'Illinois en 67. Hiller, qui dirigeait alors le département de musique assisté par ordinateur, a invité Cage, lié au domaine de la technologie informatique et aux procédures aléatoires, avec une pièce intitulée Atlas Borealis with the Thunderclaps. Cage a soumis l'idée de HPSCHD qui avait été commandée par la passionnée de clavecin suisse Antoinette Vischer. Long et complexe processus de composition a également nécessité de l'assistance technique de 4 personnes. HPSCHD a été présenté pour la première fois devant un public de 6000 personnes le 16 mai 69 à l'Assembly Hall du campus de Urbana, l'Université de Illinois, conçue comme une expérience multimédia hautement immersive. La performance mettait en scène à nouveau David Tudor, Antoinette Vischer, William Brooks, Ronald Peters, Yuji Takahashi, Neely Bruce et Philip Corner, jouant des clavecins dont les sons étaient capturés et amplifiés. 208 bandes avec des sons générés par ordinateur, joués par 52 lecteurs de bandes monorales et un ensemble de projecteurs de films et de diapositives utilisés pour projeter 6400 diapositives et 40 films sur l'écran rectangulaire et un écran circulaire de 340 pieds. Nombre de ces images sélectionnées par Ron Camnett et Calvin Soumisson ont été empruntées à la NASA. La performance, qui a duré environ 5 heures, n'était pas conçue comme un événement statique et unidirectionnel, mais plutôt comme un environnement hypnotique où le public était encouragé à entrer et sortir du bâtiment autour de la salle et à traverser l'espace de représentation. Pendant la première, une image de Beethoven portant un maillot de l'Université d'Illinois avec le visage de Cage a été sérigraphié sur les tuniques en papier distribuées aux membres du public. 3 grandes affiches sérigraphiées ont été créées pour l'événement, dont 2 présentaient des images choisies par hasard des opérations similaires à celles utilisées dans la composition de la musique. Quelques exemplaires ont été vendus pour soutenir l'événement, chacun pour un prix différent établi à l'aide d'un tableau I Ching. La raison pour laquelle j'ai choisi ce morceau est qu'en 91 ou 92, John Cage l'a interprété à Bruxelles, dans le bâtiment alors vide au Flaget, une ancienne station de radio nationale dotée de l'un des studios les plus prestigieux du monde. J'habitais à seulement 150 mètres de là. C'était au milieu des périodes d'examen et j'ai décidé de ne pas y aller. Heureusement, elle a été diffusée en direct à la radio. Quelle expérience! Quelques mois ou un an plus tard, Cage a décidé quelque chose que j'ai regretté toujours de ne pas avoir été là. Et donc, maintenant, on va écouter le morceau de John Cage ensemble avec Lejaren Hiller, le morceau HPSCHD de 1969. We'll be right back. Thank you. Thank you. Quelle magnifique pièce, quoi. Ouais. Et t'imagines si que tu es vraiment au milieu du public. Ouais. Je pense que c'est vraiment impressionnant d'entendre ça. J'ai eu l'occasion de l'écouter ça sur un radio en direct à Bruxelles durant plusieurs heures. Et je t'avoue, c'était impressionnant. Je garde vraiment un super bon souvenir à ce concert, justement... l'écouter par la radio, pas être au milieu de cette performance. Ah, ça doit être assez incroyable de voir ça, d'entendre ça et en même temps de s'imaginer dans la pièce. Nous, avec Manu, là, on s'est posé, on a écouté ça et on avait vraiment l'impression d'être avec eux, quoi. Et dans un son qui est tellement diffus et tellement complexe, tu tends l'oreille, mais tu comprends pas tout ce qui se passe. John Cage, ça reste un maître absolu à ce niveau-là de faire de la musique avec de la non-musique. Moi, vraiment, je l'interprète comme ça et c'est ma vision que j'ai de cet artiste, de faire de la musique avec du son et qui n'est pas annoncé forcément comme de la musique. Enfin, un truc ambivalent comme ça qui est super intéressant. Ouais. Bah, il faut aussi savoir que lui était aussi un des membres de l'Art, Arty Art mouvement Fluxus, donc c'est dans les années 60. Et on le ressent aussi un peu dans sa musique ici. C'est la art et le contre-art et l'anti-art. Il n'y a pas beaucoup de mots pour ça. On reste silencieux de ça. Oui, carrément, ça vient toucher quelque chose de profond. Ouais, il y a un truc très organique dans sa musique et dans la manière dont il conçoit ses œuvres. Quelque chose qui vient toucher les tripes et les sensations plus que ton cerveau. Et c'est assez fou comme sensation, quoi. Tout à fait. Et donc, c'était le morceau John Cage ensemble avec Leigharen Hiller. Et le morceau s'appelait HPSCHD, ou comme John Cage lui-même disait, Harpy Short, qui était sorti en 69. Toi qui es un peu notre spécialiste du groupe Nursery Zone, parce que toutes ces émissions, après tout, on les fait depuis la liste d'influences qu'a introduit ce groupe dans leurs deux premiers albums. La filiation John Cage-Nursery Zone, tu la situes où? Vaste question, hein, je te laisse, tu as deux heures. Par exemple, je pense, si tu vas écouter l'album Sylvian Babs, je te conseille vraiment d'écouter une fois cet album-là et je pense que tu vas reconnaître des éléments qu'on entend ici dans cette pièce de Harpy Short. C'est vraiment, là, c'est plutôt de tous les collages différents, beaucoup d'éléments très divers qui créent des nouveaux univers. Et ça, c'est ce que j'entends aussi dans cette pièce qu'on vient d'entendre. Beaucoup des univers différents qui construisent quand même une unité. Ce n'est pas des trucs plic-ploc. Mm. J'ai l'impression que c'est des choses plic-ploc, mais qui créent quand même une belle unité. Bah, plus on avance, plus on voit le lien de filiation en fait, entre le groupe qui a créé cette liste et les groupes qu'on écoute. C'est assez intéressant. Je pense que quand on sera à la lettre Z, on fera « Ah ouais, ok, en fait, là, on vient de comprendre ». On vient de comprendre quelque chose. C'est génial de voir ça. Parce que je pense aussi, comme Tony disait, qu'il trouvait que le morceau de North Street était très dark et toutes des choses comme ça. Mais je pense qu'il a écouté que quelques albums. Parce qu'il y a des albums de North Street Tune qui sont vraiment complètement de l'opposition de ça. Donc j'espère qu'un jour, il va écouter aussi les autres albums que quelques-unes. OK, le catalogue est très, très large de North Street Tune, mais il y a vraiment des albums que je conseille de l'écouter dans tous les sens. Et on ne serait pas là si ce groupe n'avait pas existé, finalement. Ouais, c'est... Voilà. Et je pense qu'on va maintenant continuer avec toi, Inès. Tu as aussi préparé quelque chose ? Non, d'abord, c'est Guénaud. C'est Guénolé qui n'est pas là. Ah oui, c'est Guénolé. Ah ouais, il n'est pas là. Ce rabouin nous a un peu lâchés au dernier moment. Et me voilà obligé de m'occuper de la patate chaude, hein, si j'ose dire, parce que c'est un groupe dont on reculait tous un petit peu le... Enfin, tous. En tout cas, Guénaud et moi-même, on reculait un peu le temps pour en parler le plus tard possible, parce que c'est pas vraiment un groupe qui nous aura beaucoup, beaucoup interpellé l'oreille. Mais nous avons décidé d'être complets dans cette émission, comme tu l'as précisé en tout début. Donc je vais vous parler de Chamber Pot, voilà. Du coup, Guénaud, espèce de rabouin qui nous a lâché complètement, je me permets de chambrer mon pote par rapport à Chamber Pot. Et on a affaire à un groupe anglais, unique album intitulé Chamber Pot, sorti en 1976. La pochette représente un hippopotame. L'hippopotame est un animal assez présent dans la musique de Chamber Pot. J'en veux pour preuve le très long titre d'intro qui s'appelle Sleek and Healthy Hippo Strolls Along the River Bank. Et que dire sur cet album ? On a affaire à de la musique improvisée. On est dans une démarche très sérieuse de musique improvisée. C'est ça qui me... Enfin, à titre perso, crée mon désintérêt. J'ai pour coutume d'appeler une certaine forme de musique improvisée l'impro chiante, parce que quand elle ne me touche vraiment pas et que je trouve que quelque part, elle veut s'affranchir des codes en inventant des nouveaux, et quelque part, elle devient codée, et du coup, trop de tentatives d'imprévisible créent le prévisible, je trouve, dans une certaine forme de musique improvisée. C'est ce qui m'a gêné chez Chamber Pot. Probablement que d'autres personnes auraient pu en parler avec beaucoup d'enthousiasme à ma place, des amateurs justement de musique libre et improvisée, de rencontres improvisées. Moi, j'avoue, on sent un certain parti pris à ne pas tenir de mélodie, à ne pas tenir de rythme, parti pris qui au final devient, qui est un anti-code, mais qui devient un code. Et moi qui suis très amateur de surprises, au bout de 30 secondes, on sait vraiment où on va aller. À savoir nulle part. Voilà. Et enfin, je trouve. Et du coup, voilà, c'est sûr qu'on a affaire à des musiciens qui. Ils peuvent partir partout, mais au final, à mon sens, sur cet album, hein, c'est rare que je dise du mal des albums de la Nursery's One List, mais celui-là aura vraiment. Pas touché mon intérêt, si ce n'est ce titre que je vous ai dit. Élégant et sain, un hippopotame se promène le long de la berge. Je trouve que c'est un très beau titre. Mais, je veux dire, le titre. Sinon, on va pas... je ne vais pas vous le faire écouter parce qu'il dure une vingtaine de minutes. Il est très représentatif de l'album. On a vraiment affaire à de la musique improvisée, ouvrez les guillemets, radicale. Les musiciens, je vais quand même en parler, mais très vite fait. Hein, c'est un quatuor, Chamber Pot, qui est né à Londres. En 1973, c'est le violoniste Philip Washman qui est à l'origine de ce groupe. Et il est ici en compagnie de Richard Beswick au hautbois et au hautbois alto, et Simon Maillot à la clarinette et Tony Wren à la contrebasse. Ah, franchement, ça me désole parce qu'il y a tout pour me plaire, le côté musique... présenté comme de la musique improvisée avec des instruments de chambre, on me dit ouais, chouette, je vais me régaler, mais j'ai pas trouvé mon régal. Peut-être, amis auditeurs, le trouverez-vous à ma place, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. On prétend pas du tout détenir les clés du bon goût, mais bon, par contre, on est sincère quand on parle de musique. J'ai montré suffisamment d'enthousiasme sur certains projets, au cas où vous ayez cru que cet enthousiasme était faussé, non, pas du tout, c'était un vrai enthousiasme. Là, je montre plutôt un inintérêt pour ce Chamber Pot, mais je vais vous laisser vous faire votre propre opinion, amis auditrices et amis chroniques, camarades chroniqueurs, chroniqueuses de Belgique et de Toulouse. On va s'écouter donc le titre Huge, tiré de l'album Chamber Pot. Donc cet album, c'est une très longue piste d'une vingtaine de minutes qui parle d'hippopotame. Et par la suite, ce sont des pièces plutôt courtes, Huge, New, Scare, It's et City. Les titres sont courts et les morceaux sont courts aussi. Bon, on va s'écouter Huge, donc du quartet Chamber Pot. Next rubbish take. Thank you. Voilà, c'était huge. Huge, tiré donc de l'album Chamber Pot du groupe éponyme Chamber Pot. Bon, ben, ils ont réussi, ils ont trouvé un bon nom, parce que pour faire de la musique de chambre, ça s'appelle Chamber Pot, c'est plutôt marrant. Un petit hommage à ceux qui utilisent les pots de chambre. La pochette est plutôt belle, sinon au niveau de la musique, ben voilà, on a écouté un morceau de 4 minutes, il y en a un qui dure 20 minutes, c'est pareil. C'est une musique où il peut tout se passer, mais où il ne se passe rien. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mm. Nico, Inès, est-ce que vous avez un petit peu d'enthousiasme à apporter sur ce Chamber Pot ? Le son est pas dégueu. Ah. C'est pas mal mixé. Non, mais c'est important de le dire quand même. C'est vrai. Nico, toi, je te sens plus enthousiaste. Ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est plutôt de musique qu'il faut voir en direct et pas sur un disque. C'est avec beaucoup de musique d'improvisation, au moment que tu es vraiment au milieu durant le concert de ces choses-là, tu vois ce qui se passe, il y a aussi des échanges, des énergies entre tous les musiciens et le public. Et ça, c'est ce qui manque un peu ici, je trouve, que c'est assez, comment on dit, très clean. Oui, un peu trop clean pour ouais, comme Inès dit, c'est super bien enregistré. Et peut-être que c'est justement ça qui fait que il y a quelque chose qui a disparu de jouer live devant un public. Ouais, il y a peut-être une volonté justement à montrer, regardez la musique improvisée, c'est beau, c'est clean, regardez comment c'est agréable. Et en fait, justement, ça manque de matière. Moi, c'est ce que j'ai ressenti là sur les 5 minutes de la musique improvisée. En tout cas, moi, je la vis comme ça, de musique qui prenne nos tripes, où on se questionne, où on va chercher du son, et là, en fait, c'est propre et... Et ok, j'ai compris en fait que c'est propre et que tu sais très bien jouer de la contrebasse ou de la clarinette ou quoi, mais en fait, bon, ouais, peut-être que ça vaudrait le coup de voir ça en live, effectivement. Et aussi, comme Phil Waxman, je l'ai vu plusieurs fois en concert et souvent, c'est quand même très fort, je trouve. C'est un musicien très respectueux. Et aussi, je pense que c'est sorti sur son propre label qui s'appelle Bet Records, qui est un label qui a été constitué pour les collectifs, pour les musiciens londoniens à cette époque-là. Parce que comme partout, c'était compliqué de sortir ce type de musique sur un label existant. Donc souvent, les musiciens créaient leur propre label. Et c'est ici, comme Phil Waxman, il a fait ça. Et ça, je pense que, ouais. Parce qu'il y a aussi des autres albums avec lui, ou que Derek Bailey joue ensemble avec lui, ou Barry Guy, George Lewis, plein d'autres musiciens assez intéressants, donc oui. Mais je comprends un peu aussi pourquoi que Manu n'est pas vraiment enthousiasmé, que ses oreilles n'aiment pas tellement ce musique-là. Ah, question de goût, mais j'aurais dû te laisser la main alors, sur ce groupe-là. Inès, c'est toi qui vas clore notre tentative d'exploration numéro 11. Déjà, waouh. Oh là là, il est déjà l'heure de... Il est 23h11 d'ailleurs. Eh ben oui, c'est l'heure de finir, à un moment donné. Bon. 11h11, émission numéro 11. Inès, c'est à toi. Alors, moi, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Checkpoint Charlie. Je ne sais pas si vous connaissez Manu et Nico. Du tout. J'ai entendu te parler. Mais refresh my memory, comment on dit ça en français, te souvenir de ta mémoire. Voilà, tout à fait. Ok. Bah écoute, moi on... Alors, c'est un groupe un peu complexe. Je l'ai écouté et pareil que Manu avec ce groupe qui vient juste de passer, c'est pas un groupe qui m'a beaucoup marqué. Loin de là, je l'ai même plutôt pas aimé quand je l'ai écouté la première fois. Et puis en fait, j'ai fini par faire 2-3 recherches pour voir d'où ça venait. Et ce groupe, il est né en 69 sous le nom de Checkpoint Charlie, qui pour celles et ceux qui ne savent pas, qui est le nom des postes de frontière pendant l'Allemagne, pendant la guerre froide entre l'Ouest et l'Est. Groupe qui est né en fait d'un mouvement politique, qui est né d'une insurrection des étudiants dans les années 69-70. En Allemagne de l'Ouest, ils se sont construits avec ça et ils défendent une musique politique. En fait, ils ne défendent pas la musique comme art et esthétique ou en tout cas comme création pure et dure. Ils défendent ça comme support de messages politiques. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. je suis allée un peu fouiller dans un blog obscur allemand qu'on trouve au fin fond de l'Internet, à la 18e page de nos moteurs de recherche. Et j'ai trouvé un journaliste qui, en 1973, a fait une table ronde avec ces musiciens-là. Et ils se sont retrouvés au fin fond de la campagne allemande, un festival, dans un lieu qui s'appelle, je vais le trouver, au Waldeck, qui organisait un festival de la contre-culture en Allemagne. Et ce festival-là, contre-culture, dit musique un peu bizarre et tout, et puis ils se retrouvent, et puis les organisateurs et organisatrices de ce festival disent « En fait, lâchez vos guitares, on va se poser autour d'une table, on va parler politique, on va parler musique et politique. » Et Checkpoint Charlie, donc ils sont plusieurs, ils se retrouvent autour de cette table-là, et puis ils discutent de politique, et ils se rendent compte qu'en fait, il y a une réelle volonté de prendre la musique comme support d'expression. Et dans une période qui est aussi compliquée que la guerre froide, ça devient indispensable à la contre-culture allemande. Et je ne vais pas vous laisser trop... je ne vais pas parler très longtemps et je vais vous faire écouter ça. C'est une musique très brutiste, c'est une musique qui n'a pas vraiment de sens. Un mélange de noise, de paroles, de poésie un peu punk. Musicalement, ce n'est pas ce qui est agréable à écouter aux oreilles, mais autour de la table, un des musiciens dit... une phrase, et je te laisserai enchaîner Manu en mettant le morceau, il dit ceci. On a découvert la musique rock comme moyen de transmettre un message politique. Les non-musiciens et non-musiciennes ont appris à faire de la musique, et cela n'était pas si mal, comme on peut l'entendre aujourd'hui. Nous apprendrons aussi à jouer du violon si les jeunes, aujourd'hui, veulent écouter du violon. Geschwind auf dem Motorrad den Hügel. das Tal. Es schaute zurück zum letzten Mal. Das arme Waisenkind. Er war wirklich nur ein armes Waisenkind. Das arme Waisenkind. Der Vater tot, die Mutter tot. Gestern, heute und morgen und übermorgen auch kein Brot. Wie wird es enden? Wie wird es enden? Hört denn keiner sein Schluchzen und Flehen? Doch, da! Eine Zeitungsanzeige in der Ruhrrheinischen Neckar-Zeitung. Zwei Metzgerherzen schlagen und wissen nicht für wen. Und da, noch eine Anzeige. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Darauf steckte er seinen Pimmel in ein Pfund Gehacktes hinein. Darauf las es, das Waisenkind, zur Erbauung ein Kapitel aus dem Buch Ja, was denn nun von Rainer Maria Riemen. Und danach auch wieder zur Erbauung ein Kapitel aus dem Buch Ja, aber was denn nun von Rainer Maria Müller-Wipperfürth und danach umso mehr zur Erbauung ein Kapitel aus dem Buch Alle Tage ist kein Sonntag von Fritz Maria Hitler. Auch ein Waisenkind ist nicht nur ein Kind, sondern sogar ein Waisenkind. Schnitt. Go inside your bloody cunt, baby. My penis going inside your bloody cunt, baby. Your cunt face, bloody cunt, baby. I go in, we're such a bend. We're such a bend. We're such a bend. In your bloody cunt. In your bloody, bloody, bloody, bloody, bloody cunt. Sort of shadow hanging to wash over me. Well, it's over me. What's over me so high. I will be inside. Will be inside. When I was in your bloody cunt, baby, I was in. Don't you remember? I was inside. I was inside. I was inside. Et ben finalement agréablement étonné. Eh oui, étonné, c'est wonderful. C'est bien pour clôturer cet 11e épisode au pied de la lettre. On est ravis de clôturer la lettre C, ou presque, parce qu'il reste encore un groupe avec la lettre C. Mais on a regardé pour l'épisode suivant, parce que c'est aussi un groupe qui a aussi un autre nom avec la lettre D. Et donc, c'est un bon moment pour faire le lien entre les deux. Et donc, on est aujourd'hui commencé avec Manu, qui a eu la grande chance de commencer cet épisode 11 au pied de la lettre. Ouais, je l'ai commencé avec Jean Cohen Solal, qu'on a d'abord découvert brièvement parce que c'est la voix du dessin animé Les Shadocks. Et ensuite, on s'est écouté deux extraits de son premier album, Flûte Libre, les morceaux Raga du Matin et Matière. Et ensuite, deux extraits de son album Captain Tartopom, Intime Panique et Ludion étaient le nom de ces extraits. Je précise que cette émission sera un palimpseste. Un palimpseste, c'est une formule littéraire. Nous allons finir comme nous avons commencé. Donc on écoutera, et cette fois-ci en intégralité et sans parler dessus, Captain Tartopom, donc le titre qui ouvre l'album Captain Tartopom de Jean Cohen Solal. Et ensuite, c'était Tony, je pense, qui a eu une belle proposition. Ouais, il n'est plus là pour nous le dire, mais on a écouté Euphonia, une longue suite du groupe Collegium Musicum. Euphonia, part 1, 2, 3, 4, 5, tout ceci est tiré de l'album Convergessi. Et après, on a été relancé dans le domaine de John Cage, le compositeur américain. On a quand même commencé avec un morceau bien osé, La Silence, 4 minutes 33, avec la participation aussi avec nous tous les trois, avec le micro ouvert durant ce pièce-là. Ah oui, quel morceau! Ouais, carrément. Ensuite, on a écouté un extrait, l'extrait qui se situait entre 7 et 8 heures du soir de du disque performance concert de John Cage et David Tudor, variation 4. Et ensuite, on a écouté John Cage ensemble avec Lejaren Hiller avec le morceau HPSCHD, ou comme John Cage lui-même disait, Harpy Short, qui venait aussi de l'album HPSCHD/String Quartet No. 2, qui était sorti en 69 sur le label Nonesuch. Et après, c'était normalement Gwenelé, mais interprété par Manu. Ouais, carrément, oui, j'ai remplacé Guénolé au pied levé pour parler de Chamber Pot, et on s'est écouté Huge, extrait de l'album Chamber Pot, paru en 1976. Et ensuite, c'était Inès qui clôturait le bal d'aujourd'hui. Et oui, on a terminé avec un morceau du groupe Checkpoint Charlie. L'album s'appelle, et excusez mon accent allemand, Grupp Gott mit Elem Klang, sorti en 1972. Je n'ai pas le nom du morceau, mais sachez que c'est le tout dernier de cet album qui est ressorti en 92. Waouh. Et donc, c'est le moment de dire au revoir. On est pas de retour la semaine prochaine, parce qu'à ce moment-là, il y a un live de vraiment autre chose, je pense. La semaine d'après aussi. Et encore une semaine d'après, il y a normalement un épisode suivant au pied de la lettre. Ouais, on se retrouvera le jeudi 1er juillet pour faire cette bascule entre la lettre C et la lettre D. Et effectivement, tu l'as dit, il y a du live dans vraiment autre chose. On se retrouve jeudi prochain, le 17 juin, on sera en direct du Jazz Club Le Taquin et on recevra le duo Psalram, composé du saxophoniste pour l'occasion et pas organiste sur ce concert-là, Jean-Luc Guillonnet, accompagné du trompettiste Timothée Coste. Et on se retrouvera le 24 juin dans les studios de Radio Radio, toujours avec un duo sax-trompette, c'est assez étonnant. Cette fois-ci, ce seront messieurs Florian Nastorg et Sébastien Sirotto qui officieront dans une espèce de pièce radiophonique qui va mêler donc musique en direct et extrait. Puisque le projet s'appelle De la boxe, tout attaché, et il parle de la boxe, tout détaché. Waouh, ça va être incroyable. Ouais, carrément. Aussi, en profiter pour annoncer deux concerts en appartement la semaine prochaine sur Toulouse, l'Orchestre en Carton, mardi prochain, le 15 juin, et le 18 juin, vous retrouverez ce duo Psalram, que je viens d'évoquer, et qui seront accompagnés, enfin en tout cas qui partageront l'affiche avec le guitariste Jean-François Riffaut qui viendra nous présenter son solo. Alors pour les gens qui suivent vraiment beaucoup les élucubrations de vraiment autre chose et de toute notre équipe, ce solo là on l'avait diffusé lors d'une opération conjointe des instants chavirés de Sonic Protest et du collectif Coax. Ça s'appelait 12h21, 21h12. On était resté 9h à l'antenne à diffuser et à commenter les concerts qui étaient joués donc depuis les instants chavirés. Et ce concert de Jean-François Riffaut, un concert de guitare solo, faisait partie du programme et nous avait lui-même d'ailleurs plutôt chaviré et même plus qu'un instant. Ah oui, ça va être incroyable de les retrouver, en tout cas de le retrouver à l'antenne quoi. Carrément, eh ben on n'a plus qu'à se dire au revoir et à s'écouter Captain Tarte aux Pommes pour la première fois en entier sans parler dessus. Alors à bientôt, chers amis auditrices. Salut. Passez une excellente nuit. Thank you. Thank you.